France Inter. Bonjour François Morel. Bonjour Ali. Aujourd'hui, une pièce en un acte intitulée « L'impromptu de l'Odéon ». Ah ouais, je vois. Tu vas encore critiquer, alors que quand il se passe des trucs bien, t'en parles même pas. Comment ça ? Bah Roselyne. Quoi ? Elle est allée à l'Odéon. C'est quand même une sacrée nouvelle et t'en as même pas parlé. Oh. Non, mais monsieur fait la fine bouche. Roselyne est allée à l'Odéon un jour d'occupation du théâtre par des artistes en colère. Faut quand même le faire. C'est courageux, je te ferai dire. Même André Malraux n'y était pas allé à l'Odéon. Tu vas voir, Roselyne, elle a qu'à écrire un truc aussi connu que la condition humaine et tu vas voir qu'elle ne sera pas loin de laisser un souvenir supérieur à André Malraux. Ah, peut-être. Mais pourquoi qu'elle y est allée, Roselyne, à l'Odéon ? Bah, pour dire qu'elle y est allée. Et ça fait quoi ? Quoi, ça fait quoi ? Bah, qu'elle y soit allée, ça fait quoi ? Rien ! Qu'est-ce que tu veux que ça fasse ? Elle y est allée, point ! Ah, d'accord. Mais quand même, elle a fait le déplacement, c'est pas rien, surtout qu'elle a autre chose à faire. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à faire ? Bah, quand même, quand t'es ministre de la Culture, t'as quand même un sacré agenda. Bah oui, mais tout est fermé. Mais je sais pas, gérer l'absence de théâtre, de cinéma, de musée, tout ça, diriger le rien, organiser la privation, manager le manque, administrer la carence, c'est pas rien. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Roselyne, à l'Odéon ? Rien. Bah alors pourquoi qu'il y a les Roselyne à l'Odéon si c'est pour rien dire ? Enfin, rien... Elle a pas rien dit. Elle a dit qu'elle comprenait les inquiétudes. C'est tout ? Et alors c'est quand même bien quelqu'un qui comprend les inquiétudes par rapport à quelqu'un qui comprend pas les inquiétudes. Oui. Par exemple, t'es à l'hôpital. Tu souffres, t'es sur ton lit de douleur, t'as des tuyaux partout, dans les veines, dans le nez, et des électrodes branchées un peu partout, t'as peur d'y passer, tout ça, t'es mal, et t'as le grand médecin en chef qui vient te voir personnellement, alors que si ça se trouve, le grand chef, il a une réunion de Lions Club par Zoom ou une invitation sur BFM, et il vient quand même te voir pour te dire qu'il voit pas ce qu'il peut faire pour toi, mais qu'il pense par contre à toi. Il pense très très fort à toi. Oui, d'accord, mais enfin... Eh ben, ça fait drôlement chaud au cœur. Hein. Merci François Morel et un grand merci à Ariane Ascari dans Duplex depuis nos studios France Bleu Provence à Aix-en-Provence. France Inter.